accueilli par part de septième, bravo pour eux, ils le méritent bien. Deuxième année consécutive, donc ils sont ici à Arlevant, c'est pour eux qu'ils s'y trouvent bien. Hein. Et nous aussi. Et ils ont le privilège de venir jouer ici à Arlevant, parce que c'est sûr que nous sommes tous en vacances. Eh bien, eux, ils ont trouvé le moyen dans leurs vacances